ou bon ti jan bagay, ou bon la mer accepte ou. Mais la mer avise ou, li dou de moutan doua vin la kaili, se vin a 7h pou sot a 8h. Oh, se koman se vin chita pa la menaj li, pa lak menaj li. Bonjour mchita, mja pose ak menaj li. De ven pou gran moun nan. Alors koman yagiv encore, koman yagiv encore, ou te bilet nou baye sa encore. Pon gran moun nan tan kon sistem man. Lò chita nan pot sa wap pa lak menaj ou, li men li chita nan pot an fas pou lap kontrole yo. Donc ou pa gen tan pou bon pou fan yen di tout. Men bonjour, pandan mcha pose ak menaj li. De ven pou gran moun nan. De ven pou ti gome ya. Chance pour monsieur. Dovin by blackout. Avec les moun ba wè moun. Pendant ce temps là, monsieur tout profité. Prends ti bouche met dans bouche comme ya pour la braler ti la skaoul. Et puis le prend ti men met dans le stomac comme elle a pesé descend, nous comprend nous déjà pour la dactylographie. Allez nous ça. Ba la vie trop bon pour monsieur aller qu'il est, comprend? Trop bon monsieur. Aller qu'il est, monsieur tombe fait jalousie. Ça lié parce que mon qui vient demander renseignement dans cala pour tu comme elle parle avec lui, ça seulement monsieur tombe fait jalousie. Mais c'est pas sérieux. Qui jalouse ou que vous faites? Qui mêle ou? Qui mêle ou monsieur Joseph avec un tel? Avec un tel a dégagé, il passe pas là. Ça va garder ou? Ou mon pas venu pour marier? Tout simplement, venu dans cala, c'est pour tirer, si pas, si pas ou pour aller. Maman, ça va garder ou que ne pas pour entrer là-dedans? Et pour nous, nous sommes vraiment avec vous, une série de mots pour des filles, que ça pour pas des filles. Parce que ce petit mot qu'on s'en doit des filles ou appeler des filles. Ils ont comment j'ai arrivé des filles. Chérie. Chérie. Combien a-t-il de caoutchouc pompe qui a été usé votre jardin? Mais il y a des questions pas faites pour poser aux filles. Ça va garder. Sous mon camarade, t'es là. La journée la bambouche, ça va garder. Tout simplement mourir du boulot pour retirer ti parti pas pour aller. Comment on a une question pour poser aux filles? Oh oui, chérie, combien a-t-il de caoutchouc pompe qui a été usé pour votre jardin? C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Femme dodo. Femme dodo. Pesem chéri, pesem mami. Femme dodo. Pesem tichou, pesem mami. Femme dodo. Femme dodo. Femme dodo chéri. Femme dodo. Pesem mami. Moi pesem tichou. Femme dodo. Femme dodo. Femme dodo. Femme dodo. Femme dodo. Troisième trimestre. Troisième trimestre. Regardez non. Ouais, Mazon Belle. Gain deux qualités de Mazon Belle. Bon Mazon Belle blanc. Qui gain petit tacté violette là dedans. Mazon Belle ça vient de manger depuis jeudi à bougie demain matin. Ou pas jambe gon yan yan. Bon l'autre Mazon Belle qui gon couleur brique. Ça même c'est pas te présenté. Sous fait trois jours à manger, regardez non. Comment qui j'en a fini? Ou a fini même avec tête moi. Ou a fini comme on a bien son soir. Ah. Et puis qu'on l'a barré encore. Monsieur ou. Monsieur Pontifi a le mené dans la balle. En point. Les balles après fini. Sans quoi dit comme ça. Au chéri. Pour m'emmener en on balle, nous bien danser, nous bien manger, nous bien boire. Pour la wap sorti, m'ap sorti tôt. Wap courir, m'ap courir tôt. Wap saut tomber. M'ap tomber sur eux, m'ap faire comme ça, wap faire comme ça tôt. Raï ça, vous comprenez? Mais il ressemble que, moi, mon petit Jean, quand on t'a donné au monde, quand petit Jean manqué. Fournitu. Même les articles m'a tombé crié, tu m'as demandé de l'audio. Ou après de mener ma balle, c'est la qualité qui me soit posée. Mais je dois arriver à reposer la même question encore. Sous mon bagage pour dire, c'est pour dire, ou pas rien pour cacher. J'ai dit, chérie, bon, vous voulez nous la vérité, m'a tout toute bagaille. Mais je pas rien pour me cacher. Il ressemble que l'autre jour, pendant ma passée, mes sous roues, moi, mon petit Jean, quand on a donné au monde, mon petit Jean, manqué. Cheveux. Et puis il a tombé cru encore. Oh, ok. Ou reposer même question encore. Et depuis là, je vous fais tout bagaille. Je te raconte tout bagaille. Si je dis, ou capable de passer mes sous moi. Ou est mon petit Jean? Jean, ouais, non. C'est maman qui a